Maintenant, écoutez ce petit refrain sur les Bretons. C'est le document numéro 5 dans votre livre de texte pour cette leçon 9. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons.